Chapitre 3e. Le général de Mayo hocha la tête. Il sembla rassembler de douloureux souvenirs et poursuivit. Donc, mon fils rentra chez lui. Litou, son boy concierge, lui ouvrit la porte et alla se coucher. Et c'est tout. Nul depuis n'a revu mon pauvre Joachim. Mais attendez. Au matin, Chong, le boy jardinier, un vieux macaïste de 60 ans, qui est au service de notre famille depuis bientôt un quart de siècle, ne voyant pas descendre mon fils, s'inquiéta et monta dans sa chambre pour s'assurer qu'il n'était pas malade. Mon fils, je vous l'ai dit, n'était pas dans sa chambre. Mais sur son lit défait, un corps inerte gisait. Celui de Afo, le tenancier de la maison de jeu. Son visage était profondément égratigné, et une des serviettes de toilette de mon fils avait servi à l'étrangler. Chong prévint la police. L'on ouvrit une enquête. Afo n'avait rien dans ses poches. On lui avait pris tout ce qu'il avait sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le jour précédent, était arrivée à Macao une jonque venant d'Amoy et qui transportait 750 000 piastres en pièces d'argent. Personne ne savait que la jonque avait à bord une pareille somme, car l'envoi avait été tenu secret, afin de ne pas exciter la convoitise des pirates de terre et de mer. Ces 75 000 piastres devaient être débarqués à Macao et consignés à mon fils en sa qualité de directeur des fonds. On chercha vainement la jonque. Elle avait disparu. Et pourtant il y avait en rade une de nos canonnières, Marquès de Pombal. Les officiers de la canonnière, ainsi que les hommes de garde, n'avaient vu partir aucune jonque. En tout cas, la jonque avait disparu. L'enquête continua. Hélas, tout le monde fut d'accord pour assurer que mon fils avait étranglé à Afo après l'avoir attiré chez lui et avait fui sur la jonque avec les 750 000 piastres. Les imbéciles. Si mon fils avait voulu fuir sur la jonque, pourquoi aurait-il assassiné Afo? Il n'y a rien d'impossible, général, interrompit posément Iko Teruka. L'on vous objectera qu'il se peut très bien que Afo ait suivi votre fils chez lui, et que votre fils, craignant que le Chinois fît obstacle à sa fuite, l'ait étranglé pour se débarrasser de lui. Je dis cela simplement pour faire un raisonnement, d'ailleurs. L'on voit bien que vous ne connaissez pas Joachim. C'est un garçon léger, peut-être, mais c'est l'honneur même. Là-dessus, je suis prêt à jurer les serments les plus sacrés. Je dis, moi, que mon fils est absolument innocent et qu'il est victime d'une infâme machination. Sans doute est-il mort. Dieu seul le sait. Mais avant de finir moi-même ma vie, je voudrais voir la mémoire de Joachim réhabilitée. Je possède une assez grosse fortune. Je suis prêt à la dépenser jusqu'à la dernière piastre pour prouver l'innocence de mon malheureux enfant. Le vieillard s'interrompit. Iko Teruka vit une larme rouler sur sa joue tannée. Il en fut ému et dit « Je ferai l'impossible pour vous satisfaire, général. Pour commencer, je vais vous poser quelques questions. Après, vous ne me reverrez pas tout de suite. Je veux faire moi-même mon enquête, recommencer l'enquête de la police. Somme toute, l'on n'a contre vous que des présomptions, des soupçons, des preuves morales. Je vais tenter d'établir la vérité. Lorsque je la connaîtrai, je vous la dirai, quelle qu'elle soit. Oh, je sais que mon fils est innocent, déclara M. de Mayo avec fermeté. Je ne crains rien. Je l'espère moi aussi, fit le grand détective, qui, après avoir demandé quelques éclaircissements au vieillard, prit congé de lui en promettant de donner bientôt de ses nouvelles.